Début du March Madness aujourd'hui aux États-Unis. C'est la grande épreuve du basketball universitaire américain. Ça, après le Super Bowl, c'est probablement aux États-Unis l'événement le plus couru. Et encore une fois, ça n'est très heureux d'accueillir Philippe Urtubis. Salut Philippe! Salut. Philippe qui a été l'an dernier avec moi et qui va encore une fois participer à cette folie du March Madness. Et cette année, ce qui est le fun, Philippe, il y a des Québécois qui sont là. Il y en a 6 Québécois, dont un qui va probablement sortir entre 5 et 15 au prochain repêchage. Les plus optimistes, ils vont à 5, NBADraft.net, et les plus pessimistes sont à 15. Mais il est très bien classé. On parle évidemment de Bénédicte Mathurin. Oui, puis je suis bien d'accord. Puis moi, je suis assez optimiste. Ouais. J'irais là, dans les 7 premiers, honnêtement. Ouais. Là, je pense qu'il y a des bonnes chances. Ça. Puis, tu sais, son stock à Ben, là, dernièrement, en plus, dans le dernier championnat de sa division. Puis là, j'ai hâte de voir dans le March Madness. Mais il a été vraiment dominant. Là, puis il est tellement, mais tellement explosif. Là. C'est vraiment, là, je pense qu'il est en train de monter justement son stock pour le draft de l'NBA. Puis je suis assez confiant que ce soit là, drafté là, au moins septième. Ben, c'est ce qu'on dit. NBADraft.net, qui est la source qui est le site que je surveille le plus, le classe quand même au sixième rang. Donc, Regarde. Pas rien. Là. Ce qui est très intéressant également. Arizona, qui a été gagnant du Pac-12, qui a un bon calendrier également, qui a un bon tableau pour eux autres. Là. Oui, vraiment. Je pense qu'honnêtement, je pense que c'est le tableau le plus à l'aise. Tu sais, comme avoir Villanova comme deuxième, à mon avis, c'est le moins bon des ranked 2 de son côté. Il y a Tennessee là, qui me ferait peur. Là. Ça, ce serait vraiment les seuls. Puis regarde, il est pogné dans la Sweet 16. Là. Mais avant Tennessee, Houston, n'oublie pas, hein, deux de meilleurs gardes sont blessés. Donc ça, normalement, ça devrait bien aller. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est, à mon avis, Seton Hall va gagner contre TCU, puis on va voir deux Québécois qui vont s'affronter. Hein, parce que Seton Hall, en ce moment, t'as Tyrese Samuel qui est là, puis qui a quand même beaucoup de temps de jeu, qui est très impliqué. Donc, ça serait quand même le fun de voir Arizona, Seton Hall, là, donc deux bons Québécois qui s'affrontent. OK. Donc, tu as parlé de Québécois, il y en a 6 qui sont là. Donc, nomme-les, Maxence Prosper. T'as également oui. t'as Bénédicte Mathurin qui est la grande vedette, évidemment. T'en as 4 autres. Oui, t'as Dayton Caillot, un ancien de Brebeuf Montréal puis de l'Express Saint-Laurent là, qui joue à Richmond. Je viens de parler de Tyrese Samuel qui est à Seton Hall. T'as aussi Ezedek Dickey qui est à Yale. Puis après ça, le dernier là, dans ceux que tu n'as pas nommé, il reste Georges Lefebvre qui est avec les Catamounts de Vermont. OK. Donc, ça va être très, très intéressant également. Et cette année, ben, ce qui est intéressant également, c'est le dernier tour de piste de Coach K. Coach K qui est à sa dernière. Ce serait fun que Duke. Est-ce que Duke a des chances? On parle qu'il pourrait être, si on regarde le tableau. Ils vont affronter Gonzaga. Leur défaite en finale, ça les a fait mal, du ACC. Ouais. Ça les a fait mal. J'étais présent, moi, sur place au ACC. Ah oui, okay. Là. Okay. Je suis monté à Brooklyn. J'ai fait les 4 jours. Là. J'ai écouté les 14 games du ACC. Puis j'ai vu Virginia Tech, là, de quelle façon ils ont travaillé. Puis j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé avec Duke. Là. Écoute, j'étais à côté. J'avais vu des billets là, via de mes contacts avec Boston College. Là, pas un de mes contacts, mais un contact à un de mes amis à moi là, qui a eu avec Boston College. Puis, tu sais, ce qui a fait mal vraiment à Duke, ils n'ont pas été en mesure de bien défendre contre les guards qui shootaient extrêmement bien la balle et qui créaient du déséquilibre défensif dans Duke. Okay. Puis en ce moment, match après match, c'est vraiment défensivement. Quand ils ont besoin de faire des bons stops, ils ne sont pas en mesure de le faire. Puis la menace à l'intérieur, ils l'établissent trop tard, à mon avis. Normalement, ça devrait être quelque chose qui domine, puis tard dans le match, là, ça vient. Donc, j'ai confiance en Coach K. Je pense que d'avoir de l'adversité, tu sais, perdre son dernier match de la saison contre North Carolina à Duke, ouais, durant l'hommage à Coach K. C'est le grand rival, c'est North Carolina. Là. Mais oui, puis écoute, c'était l'hommage à Coach K, là. Donc, puis là, ben, de perdre aussi en finale du ICC, fait que son équipe a jamais goûté vraiment tant que ça la victoire. Donc, je suis assez confiant là qu'il soit solide, là, par contre, là. Donc, à l'ouverture du March Le Madness, Michigan, hein? débuté, ben, Michigan a upset. C'est qui se rend jusqu'au Elite 8, je n'ai même jusqu'au Final Four. Est-ce que tu pourrais, est-ce qu'on pourrait, y a-t-il une équipe que tu pointes qui pourrait vraiment être intéressante puis se rendre jusqu'au Elite 8 ou encore même au Final Four? C'est déjà vu, j'ai déjà vu Butler, j'ai déjà vu ça. Oui. Écoute, à chaque année, il y en a quasiment. Hein. Ouais. C'était plus rare les années qu'il n'y en a pas eu que les années qu'il y en a. Surtout dernièrement, il y a tellement de parité dans la ligue, là. Mais un peu ce que je dis, là, c'est, écoute, en partant, là, les quatre équipes rankées numéro 10, à mon avis, peuvent gagner leur premier match. Donc, ça ne serait OK. pas Qui surprenant sont que Loyola ça. Chicago? Ouais, Loyola Chicago. Après ça, tu as Ouais. Miami contre USC. À mon avis, Miami est vraiment meilleur que USC. San Francisco sur Murray State. Murray State, rappelle-toi, l'année passée, c'était une des équipes là, qui s'est rendue loin, là, qui ont upseté. Et Davidson sur Michigan State. Moi, je pense que les quatre peuvent gagner là, en ce moment. Puis, tu sais, dans les équipes un peu rankées un peu plus bas, il y a 10, New Mexico State, et à mon avis, devrait probablement même gagner contre UConn. Tu vas avoir aussi, je regarde en même temps mon bracket, Virginia Tech sont champions du ICC et sont 11e. Donc, eux, ils ont sorti des clubs très plus forts que Texas, qui sont 6 là, pour gagner le championnat, là. Donc, ce ne serait pas surprenant de les voir assez loin. Sinon, tu as toujours aussi Richmond, en ce moment, la partie se déroule, puis ils mènent avec très peu de temps à faire au match contre Iowa. Et plusieurs disaient que Iowa était semé beaucoup trop bas comme cinquième. Ça aurait dû être un troisième, dans le fond. Donc, Richmond gagne cette partie-là. C'est assez surprenant. Puis, on a Nathan Caillou, québécois, là, qui est toujours sur le terrain, là. Donc, et aussi Maurice Joseph, hein, qui est entraîneur, qui est un Montréalais aussi. Il est le fils de, il est le frère de Corey Joseph aussi, si je me trompe pas. Pas Corey, mais voyons, qui a joué à Syracuse. OK. J'ai oublié le nom de ça. Corey, là, qui a OK. fait la c'est un oncle. OK. Dans les joueurs à surveiller, j'ai sorti une liste de joueurs qu'il faut surveiller pour les prospects. Pour le prochain repêchage, je ne sais pas si tu les connais, là, j'en ai vu, j'en ai point. Évidemment, on a parlé de Bénédicte Mathurin, t'as Jarabe Smith qui est de Auburn, Chet Holmgren qui est de Gonzaga, et Paolo Banchero de Duke. C'est les trois gars qui sont vraiment à surveiller, qui pourraient être pour le prochain repêchage, à part Oui, Bénédicte Mathurin. regarde, les trois que tu as nommés, là, ça va faire un top 4 ou top 5, là, tout dépendamment de la G League, là, comment ça va, s'il y a des cas qui vont sortir. Mais oui, vraiment, là, c'est les joueurs, là. Sinon, si je fais un petit survol comme ça, est-ce qu'il y en a d'autres? C'est sûr, il y en a d'autres Ouais, ils qui vont vont se se faire greffer. ranker, mais vraiment, là, qui Les ressortent trois du plus gros, lot. C'est ça, c'est vraiment les trois plus gros, là, tu les as bien nommés. OK. Philippe, on se reparle la semaine prochaine pour faire un peu le bilan de la première fin de semaine du March Madness et voir s'il y a eu des surprises. Ça me fait plaisir de participer à ton émission, Dani. C'est super le fun. Philippe Hurtubise qui va nous parler du March Madness.